le temps du muguet et avec lui le temps des pollens. Vous le savez peut-être si vous faites partie des 25 à 30% de la population qui souffrait d'allergies chroniques. Une personne sur trois aujourd'hui, une personne sur deux dans le monde devrait souffrir d'allergies selon l'Organisation Mondiale de la Santé d'ici 2050. Les allergies ont atteint le seuil épidémique en quelques années et pour des raisons qui sont encore difficiles à démêler. Augmentation des polluants, des perturbateurs endocriniens, excès peut-être d'hygiène. Quels sont les mécanismes profonds de l'allergie encore incurables à ce jour et dont on ne peut qu'atténuer les symptômes, et serons-nous demain tous allergiques? Demain, tous allergiques, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce que l'on appelle aujourd'hui communément une forme d'épidémie à bas bruit, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Dairon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes immunologiste, directeur de recherche émérite au Centre d'immunologie de Marseille, également chercheur invité à l'Institut Pasteur. Bonjour Nan Famti. Bonjour. Vous êtes allergologue, chef du service d'allergologie également à l'Institut Pasteur. Alors vous pouvez suivre cette émission, vous le savez, comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en complément via notre fil Twitter où nous allons poster un certain nombre de cartes, d'informations, d'études, bref, tout ce à quoi il sera fait référence au cours de cette heure, c'est sur le compte @laméthodefc. Ceci étant dit, puisque c'est d'actualité, hein, quand on se rend sur le site du RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, alors on apprend un certain nombre de choses. La première de ces choses, c'est que l'essentiel du territoire français est en vigilance moyenne au pollen, à part peut-être la pointe ouest qui est encore en vigilance faible. La seconde, c'est que les principales zones d'intensité des symptômes allergiques sont la région parisienne, très très loin devant la vallée du Rhône, Strasbourg et Nantes. Et puis la troisième, c'est que, eh bien, c'est peut-être la moins bonne nouvelle de toutes, que le pire reste à venir, puisque le début de la saison pollinique pour les graminées commence tout juste en ce moment, entre le 6 et le 15 mai. Que faut-il comprendre, que faut-il analyser de ces quelques chiffres, Nan Famti? En fait, on passe d'une épidémie de pollen de bouleau. Les bétulacées sont des pollens qui sont extrêmement allergisants. Et ça, on a subi cette vague il y a quelques semaines. Et malheureusement, souvent les patients sont sensibilisés à d'autres pollens, et notamment, vous en avez parlé, les pollens de graminées. Et on attend le pire pour les semaines à venir. Mai-juin va être probablement compliqué pour ces patients qui sont allergiques aux pollens de graminées. Et alors, très contre-intuitivement, Marc Dairon, les principales zones d'intensité des symptômes allergiques, on pourrait penser que les pollens, on les rencontre plus dans un environnement à la campagne. Eh bien non, c'est principalement les grandes agglomérations. Paris, la vallée du Rhône, Strasbourg, Nantes. Oui, pas seulement les pollens, j'imagine, mais il y a effectivement une grande fréquence d'allergies en ville. Et donc, cette espèce d'opposition entre la ville et la campagne, finalement, elle n'est pas très justifiée. Elle est plus opérante. Parce que quand on parle de prévalence des allergies, on ne parle évidemment pas que des allergies respiratoires. Oui. Alors, le monde de l'allergie, c'est un monde extrêmement vaste. Hein, et pour illustration, il faut voir la répartition de notre activité. Les professionnels, avant qu'on ait très récemment la spécialité d'allergologie qui a été reconnue il y a quelques mois. Avant, c'était des médecins ORL, des pneumologues, des dermatologues, des gastro-entérologues, des pédiatres. Chacun était un petit peu dans son organe, en fait. Donc, c'est un univers extrêmement large. Il y a des praticiens qui s'occupent que du médicament, d'autres qui ne s'occupent que des allergies respiratoires et d'autres que des aliments. Donc, on peut être allergique par différents moyens. Un mot, je l'évoquais et on y reviendra tout à l'heure quand on aura peut-être mieux fait le tour des mécaniques allergiques, des différents types d'allergies. Mais peut-être un mot tout de même sur ce qu'on qualifie aujourd'hui d'épidémie compte tenu de l'augmentation, une augmentation constante de 5% par an. On parle de très forte augmentation ces 20-30 dernières années, c'est ça Marc Dairon? Oui, c'est un fait. Et beaucoup de gens sont en train d'étudier, d'abord de comprendre, d'abord d'assurer les choses, de mesurer cette augmentation. Et je crois qu'aujourd'hui, elle n'est plus discutable. Et donc un certain nombre de gens sont en train d'étudier les causes qui sont possibles. Et après quelques propositions, quelques errements, quelques pistes qui finalement sont révélées moins fructueuses que qu'on pouvait l'espérer, je pense qu'il y a un certain nombre de données aujourd'hui qui permettent de comprendre un certain nombre de choses. Évidemment, beaucoup reste à comprendre encore. On va examiner, oui, bien sûr, on va examiner une fois qu'on aura fait le tour. Peut-être poser juste 2-3 questions sur cette augmentation. Non seulement il y a une augmentation du nombre de cas, mais il y a aussi une augmentation de la sévérité des cas. Exactement. Dans le monde entier, on constate que, par exemple, dans le domaine des allergies alimentaires, eh bien, les formes d'allergies alimentaires chez les enfants augmentent en gravité. C'est-à-dire que de la simple réaction, eh bien, on va très vite avoir pour ces enfants qui sont dits polyallergiques, c'est-à-dire qui réagissent à plusieurs aliments, des réactions potentiellement sévères qui peuvent menacer le pronostic vital. Donc ça, c'est quelque chose que l'on constate de plus en plus, hein. C'est-à-dire que les cas de choc anaphylactique, hein, la forme ultime en fait de réaction allergique alimentaire, eh bien c'est quelque chose de plus en plus fréquent, les admissions à l'hôpital, et ça on observe ça aussi bien en France, en Australie, aux États-Unis qu'en Asie. Peut-être encore un mot sur cette épidémie. Elle touche de façon égale toutes les zones du globe, tous les pays, tous les continents, ou est-ce qu'il y a une différence tout de même? On parle souvent d'une maladie plus typée entre guillemets occidentale, ou qui touche plus les pays occidentaux que les autres pays, les pays en voie de développement. Alors vous avez parfaitement raison, il y a réellement un gradient de fréquence des allergies quand on considère un axe nord-sud par exemple, mais aussi en Europe en particulier un axe est-ouest. C'est-à-dire que dans le nord-sud, c'est clair que les pays scandinaves ont une fréquence d'allergies qui est considérablement plus élevée que les pays méditerranéens par exemple. À l'est et à l'ouest, il y a aussi un gradient de ce type, les pays occidentaux, les plus occidentaux, étant plus touchés que les pays plus à l'est. Alors là encore, ça a été l'objet de beaucoup d'interrogations et de quelques pistes qui ont été découvertes. Ceci dit, il y a par ailleurs des pics comme ça, des zones qui sont avec d'énormes fréquences. Par exemple, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande sont des endroits où, indépendamment de ce gradient nord-sud, des endroits où il y a une très très grande fréquence d'allergies et d'allergies graves. Un tout dernier mot avant de rentrer dans le dur de ces mécaniques allergiques. Peut-être un mot ou un conseil à donner tout de suite aux personnes allergiques qui voient justement la période des graminées pointées avec anxiété. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se prémunir d'une quelconque façon, Nan Famti? Ouais, c'est compliqué de se soustraire à notre environnement. En revanche, on peut essayer de déjà d'avoir un certain nombre de conduites, d'éviter de s'exposer trop, c'est-à-dire si on a programmé de faire du sport en plein air alors qu'on est allergique au pollen de graminées, on va pas aller courir à ce moment-là pour en absorber plus, et puis on va regarder et surveiller les indicateurs du réseau national, du RNSA, du réseau de surveillance d'aérobiologie nationale. Vous mettez le lien sur le fil. Exactement, Twitter. Et puis il y a des petites choses à faire quand même, hein, c'est-à-dire qu'on va se rincer par exemple les cheveux le soir pour enlever le pollen, on va bien aller chercher son ordonnance pour un traitement symptomatique en cas de symptômes, donc ça c'est extrêmement important, surtout si vous avez de l'asthme, il faut absolument pas que l'asthme se décompense comme on dit à ce moment-là. Bien surveiller ça, et il y a aussi la surveillance des pics de pollution qui peuvent se cumuler et aggraver la situation, et puis ce qui est important, c'est la leçon à tirer de ces symptômes-là. C'est de se dire, est-ce que j'ai fait un bon diagnostic? Est-ce que je sais à quoi véritablement je suis, à quoi je suis allergique, à quoi je réagis, à quel pollen? Est-ce que c'est les pollens de graminées? Et si ça me fatigue, et si ça me dérange vraiment, si j'ai les yeux qui sont atteints, les voies respiratoires, avec éventuellement de l'asthme, et puis c'est une pathologie qui fatigue beaucoup, à ce moment-là, il faut faire un diagnostic précis. Et ça, on va y revenir, le diagnostic, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'errances diagnostiques dans le domaine de l'allergie, on y revient tout de suite. La méthode scientifique. Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons des allergies. C'est une émission d'époque. Nous en parlons avec Marc Daéron, qui est immunologiste, et Nan Famti, qui est allergologue. Écoutez cette archive que nous avons retrouvée. Elle date des années 50. 900 médecins se sont réunis à Paris sous la présidence du professeur Pasteur Valéry Radot. Parmi eux, le professeur Portier, qui, voici 50 ans, découvrit les phénomènes fondamentaux d'une affection aujourd'hui à la mode sous le nom d'allergie. On la connaissait depuis longtemps sous d'autres noms. L'asthme, allergie. L'eczéma, allergie. Le rhume des foins, allergie. Elle peut avoir des causes professionnelles. Mais on peut aussi être allergique aux poussières, aux poils de chat, aux plumes, au pollen ou simplement à la lessive. L'allergie sera-t-elle bientôt définitivement vaincue ? Voilà, on est dans les années 50. L'allergie sera-t-elle bientôt définitivement vaincue ? C'était une prophétie relativement ratée pour le moment. Tout ça pour dire, Marc Daéron, que cette notion d'allergie qui recoupe toutes les affections qui sont énumérées dans cette archive, c'est une notion, en termes d'histoire de la médecine, relativement récente. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que les allergies peuvent effectivement prendre des formes extrêmement variables, parce que finalement, c'est quelque chose qui relève un petit peu des mêmes mécanismes, en gros des mêmes mécanismes, avec des variations évidemment, mais que les effets biologiques qui vont créer les symptômes, eh bien, vont essentiellement dépendre de là où ça se passe. Hein, si ça se passe dans le nez, ça fera une rhinite. Si ça se passe de façon plus ailleurs, de localement, ça fera par exemple un problème de dans les yeux, d'inflammation oculaire. Si c'est plus important, ça fera de l'asthme. Si c'est ou des réactions digestives. Et si c'est généralisé, eh bien, ça fera ce fameux choc anaphylactique auquel on faisait allusion à un instant, qui a été effectivement découvert par Portier et Richet et son élève Portier. En 1902, absolument. Quel est le point commun entre toutes ces réactions d'Anne Famtic ? Qu'est-ce que c'est finalement, en termes médicaux, qu'une allergie ? Comment on la définit ? Cliniquement, vous voulez dire ? Cliniquement, oui, bien sûr. Oui. C'est extrêmement complexe, mais on peut simplifier les choses. C'est-à-dire que comment je l'explique aux familles, aux patients qui se trouvent tout d'un coup à réagir de manière démesurée par rapport à une situation ou des protéines ou un allergène ? Je leur dis d'abord, c'est une dérégulation, il y a comme ce qu'on appelle un bug informatique, et ben il peut y avoir un bug, c'est-à-dire une erreur de réactivité sur un plan de vue immunitaire qui amplifie la réaction. Donc ça c'est la première chose. Donc qui peut être acquise, c'est-à-dire que souvent les patients disent j'ai jamais été allergique jusqu'à maintenant et puis tout d'un coup je déclare une réaction. C'est pas une raison. C'est-à-dire qu'il ça il peut y avoir des effets extérieurs ou internes, des changements hormonaux, des changements de situation, un coup de stress qui va perturber tout ça et mettre en place une réaction anormale. Donc c'est une réaction immunitaire anormale. Et puis dans le déclenchement de cette réaction, vous avez l'allergène, la protéine, ou pas d'ailleurs, mais le plus souvent c'est une protéine, qui va venir au contact de l'organisme et être présentée de manière différente. C'est-à-dire que l'organisme va se dire, tiens, alors que jusqu'à maintenant je l'ai toléré, je l'ai reconnu, il est passé de l'autre côté de la barrière et il est considéré comme un ennemi. C'est une façon extrêmement simple d'expliquer la réaction allergique. Vous prenez un allergène alimentaire, il est présenté à l'enfant, prenons par exemple une allergie extrêmement fréquente qui est le lait de vache. La protéine qui arrive dans la bouche est reconnue, et à ce moment-là, le système immunitaire qui est très particulier au niveau du tube digestif, qui est orienté vers la tolérance, eh bien l'organisme va dire c'est bon, je le laisse passer, on va pouvoir le digérer et vivre, c'est-à-dire se nourrir des nutriments. Mais cette même protéine peut générer une réaction complètement adverse. Et si, par exemple, elle va au niveau d'une autre barrière cutanée, au niveau de la peau, qui est programmée complètement différente. La peau est là pour nous défendre. Et à ce moment-là, le système immunitaire se dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais programmer une réaction de défense. » Et à ce moment-là, l'enfant prépare sa réaction de défense. Et le jour où il reçoit de manière massive ce lait de vache, par exemple, par la bouche, il va réagir de manière extrêmement forte. J'ai pris cette protéine, mais on pourrait avoir une autre protéine alimentaire. Donc, il y a cette espèce d'équilibre qui est rompu à un moment donné. Et vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de mécanismes qui sous-tendent, en fait, cette réaction. Et notamment, tout à l'heure, on va en parler de la porosité de la peau qui favoriserait cette réactivité. Marc Daéron, ce qu'on peut dire, c'est qu'un allergène, c'est finalement une protéine ou une substance qui, normalement, devrait n'avoir aucun effet, qui ne devrait pas être dangereuse, qui ne devrait pas être reconnue par le corps comme une agression. Pour une certaine raison que vous allez nous expliquer ou pas d'ailleurs, d'un seul coup le corps finit par se défendre contre cette substance qui normalement devrait être sans effet. Je crois que vous posez parfaitement la question. Et vous allez voir, le chercheur que je suis ne va probablement pas avoir exactement la même vision que le clinicien qui vient de s'exprimer. Pourquoi vous posez bien la question ? Parce que pour le chercheur que je suis, l'allergie est une pure énigme. L'allergie est incompréhensible. l'allergie, ça colle pas. Et je trouve que c'est formidable parce que, comme souvent, la clinique est un formidable révélateur de la physiologie. Hein. La pathologie est un formidable révélateur de la physiologie. Là, elle ne nous révèle pas quelque chose de normal, elle nous révèle quelque chose qui est anormal. Et si on cherche à l'expliquer avec ce qu'on a compris ou ce qu'on croit avoir compris, on comprend pas. Alors, on a deux façons de faire. Pourquoi est-ce qu'on comprend pas, pardon? On comprend pas parce que on pense qu'on a un système immunitaire pour nous protéger. Et nous protéger de quoi? Nous protéger en premier lieu, mais pas seulement, des infections. Et malheureusement, des événements historiques, enfin, l'épidémie de sida, par exemple, nous a démontré que oui, le système immunitaire protège contre les infections. Si les cellules importantes qui vont déclencher les réponses immunitaires sont tuées par le virus, eh bien, on meurt d'infections qui, d'habitude, ne font rien. Il faut rappeler que le VIH attaque les lymphocytes T qui sont l'un des piliers du système immunitaire et qu'en en état d'immunodépression, les patients qui sont touchés par le VIH meurent donc de maladies qui sont des maladies dites opportunistes qui profitent de l'immunodépression. Tout à fait. Voilà, pour s'installer. Alors, le problème, il est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'allergie? L'allergie, c'est des réactions qui sont dues aux réponses du système immunitaire à des choses qui n'ont jamais fait de mal à personne. C'est le pollen n'est absolument pas quelque chose de toxique, n'est pas quelque chose d'agressif. Le poil de chat non plus. Et beaucoup d'autres allergènes ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire dont on pensait qu'il nous protégeait contre les méchants du monde extérieur et qui va, lorsqu'il s'intéresse à des choses qui n'ont jamais fait de mal à grand monde, nous rend malade, voire nous tue. Cette pensée comme ça, c'est complètement incompréhensible. Pourquoi? Parce que on a bien compris en biologie, qui ne peut se comprendre que dans le cadre de la théorie de l'évolution, eh bien, on a bien compris que ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, c'est ce qui conférait un avantage sélectif. Qu'est-ce qui peut bien conférer comme avantage sélectif un système qui reconnaît des choses qui ne sont pas toxiques et qui tue? Un système qui tue, ça ne peut pas conférer un avantage sélectif. Donc face à cela, on est face à un paradoxe, on est face à une énigme. Alors on a deux solutions. On a la solution que Nian a proposée. On essaye de faire rentrer les faits dans la boîte. On essaye de faire coller les faits avec ce qu'on croit avoir compris. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a longtemps essayé de faire et c'est ce que Nian vient d'expliquer. Moi, il me semble qu'il y a une autre façon de faire. C'est de se dire, on s'est trompé. C'est pas le système immunitaire qui se trompe. C'est nous qui nous sommes trompés. Et si nous sommes trompés, en quoi? Eh bien, parce que on a cru que c'était ça, le système immunitaire. Ben non, pas du tout. Le système immunitaire, c'est autre chose. Et si on est amené à parler plus tard dans l'émission du microbiote, le problème se reposera évidemment. Exactement autour de cette chose-là. Sur la question de ce qu'est le soi, le non-soi, bien entendu. Ce sont des choses que, en tant que pasteurien, vous avez travaillé au corps, aurais-je envie de dire. C'est intéressant. Aujourd'hui, par exemple, Nian Fanti, on ne comprend pas bien ce qui fait passer une personne de statut de non-allergique à allergique. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans une vie, d'un seul coup, eh bien, avant, on passait les printemps à pouvoir aller gambader dans des champs de blé, eh bien, d'un seul coup, on se met à éternuer, à avoir les yeux qui grattent. Le déclenchement du mécanisme allergique, il est pour le moment très obscur encore. Il est obscur parce qu'il est multiple. Et pour vous répondre, je vais prendre des exemples, c'est le plus simple. Ce sont des gens qui déménagent, ce sont des gens qui changent d'environnement, auquel ils étaient habitués petits, on descend dans le sud et puis on est confronté à d'autres environnements. Il y a des cofacteurs, ce qu'on appelle les cofacteurs, c'est-à-dire que vous avez une exposition, par exemple, à la pollution qui est différente. Vous avez des événements de vie, vous avez des changements hormonaux, et notamment pour les femmes, qui sont des moments où on rebat les cartes sur un point de vue immunologique et qui changent la sensibilité. Et puis vous avez des événements de vie qui apportent du stress. Le stress est un cofacteur extrêmement important quand on interroge les patients. Il y a toujours un événement qui ressort, en fait. Il dit, effectivement, c'est au moment où j'étais mal, j'allais mal, il y a eu une infection sévère. Ça peut être un stress physique, physiologique, ça peut être un stress psychologique. Tout ça, ce sont des événements qui jouent sur le système hormonal et donc immunitaire et donc sur la régulation et donc sur l'allergie. Le rapport à la protéine extérieure, à ce moment-là, change. Ça peut être d'autres choses. Je deviens allergique au lait de chèvre, je prends un autre exemple, parce que je suis sorti d'une une infection gastrique extrêmement sévère et qui a changé complètement la donne. À ce moment-là, le système immunitaire a vu les choses de manière différente. J'ai mangé beaucoup d'un certain produit et qui a été considéré à ce moment-là comme une attaque. Et donc, on a une liste longue comme le bras de facteurs extérieurs qui viennent jouer. Et c'est souvent la combinaison de celles-ci. Ça peut être la prise d'un médicament aussi, ça peut être un effort physique. On devient tout d'un coup, je prends cet exemple, au blé, à l'effort. Il y a une forme clinique extrêmement précise d'allergie à l'effort au blé, c'est-à-dire que vous mangez votre pain avant d'aller courir, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir faire un choc anaphylactique au moment, en pleine rue, comme ça, alors que vous courez, alors que vous mangez du pain, comme d'habitude, sans problème, mais associé à l'effort physique, associé à autre chose, ça peut être une prise médicamenteuse, et notamment les anti-inflammatoires sont de gros vecteurs de déclencheurs d'allergie, et puis ça peut être vraiment beaucoup d'autres facteurs. Et donc, c'est pour ça que la consultation d'allergologie est complexe, parce qu'il faut aller chercher tous ces éléments-là, de l'environnement, de vos antécédents familiaux, parce qu'il peut y avoir des facteurs de risque familiaux aussi, de votre état actuel, et puis ce à quoi vous êtes exposé. Ça peut être la combinaison de plusieurs allergènes qui vont produire cet effet. J'aimerais qu'on dise peut-être un mot avant de comprendre un peu ce qui se passe justement au niveau du système immunologique, parce qu'il y a un type d'allergie principaux, enfin il y a différents types d'allergies pour le dire rapidement, mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit tour rapide, je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer, sur les allergènes à proprement parler, parce qu'il y a quand même des allergènes principaux et des allergènes plus accessoires, et j'ai été surpris par exemple de voir que dans les principaux allergènes, il y a le latex. Qui veut répondre, Yann Famti? Et en fait, il y a eu une vague d'allergies au latex parce qu'on en utilisait beaucoup, notamment à l'hôpital. Personnel hospitalier, exactement. Les gants en latex essentiellement. Et donc, ce sont des molécules qui ont pu rentrer en contact direct de la muqueuse ou dans le corps, c'est-à-dire passer les barrières et des quantités assez fortes. Donc, la vague d'allergies au latex a beaucoup diminué ces dernières années parce qu'on a changé de matériaux, d'utilisation des gants, etc., qui sont plus en vinyle ou en polyvinyle. Mais c'est vrai, pour répondre à votre question, il y a des familles de protéines. Et on commence à comprendre que certaines conformations de ces protéines correspondent à quelque chose de commun, par exemple, avec des figures infectieuses, bactériennes. Et on en reviendra avec cette histoire de microbiote dont Marc a parlé tout à l'heure. C'est extrêmement important. Il y a des protéines qui sont plus ou moins allergéniques. Prenons la cacahuète, par exemple. La cacahuète, vous la faites bouillir, comme on le fait en Afrique centrale, eh bien, elle est très peu allergisante. En revanche, vous la faites griller, et à ce moment-là, elle va prendre une conformation dans l'espace, eh bien, qui va répondre à toutes les exigences pour faire une belle réaction allergénique. Eh bien, c'est le cas aussi avec un certain nombre d'autres protéines de défense des plantes, qui sont communes dans un certain nombre de familles de plantes. Et ces figures, enfin ces formes, en fait, sont très bien reconnues par notre système immunitaire. Donc, il y a des familles d'allergènes, et c'est pour ça qu'il y a des fréquences de certains allergènes alimentaires ou respiratoires que l'on retrouve. Et c'est pas un hasard par rapport à notre biologie et à notre répertoire. Aujourd'hui, en quelques mots, pour avoir une idée des proportions, la prévalence, les principales allergies sont des allergies plutôt respiratoires, plutôt alimentaires. Eh bien, c'est essentiellement respiratoire. On considère que même l'OMS prédit que dans les années qui viennent, la moitié de la population va réagir à quelque chose. Donc, 2050, la moitié de la population serait quasiment. Donc, c'est respiratoire parce que c'est aussi un contact extrêmement facile. On pompe des litres par jour. On filtre beaucoup de protéines. On est confronté justement sur le point de vue respiratoire à des allergènes, à de la pollution aussi qui joue un rôle extrêmement important. Et on va y revenir. Marc Daéron, maintenant on va passer à l'intérieur de notre système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mécaniques allergiques que là on connaît bien, même si on ne sait pas pourquoi elles se déclenchent, on sait ce qui se passe et pourquoi d'un seul coup notre corps commence à produire cette quantité surnuméraire de certains anticorps, principalement, puisqu'il n'y a pas que ça. Oui, enfin, est-ce qu'on peut poser la question de cette façon-là? C'est compliqué parce que il y a deux façons de voir les choses. Si vous me demandez quels sont les mécanismes, qu'est-ce que c'est qu'une allergie? Je pense que je suis totalement incapable de répondre. Je ne sais pas si Yann est capable de répondre. On tente de donner des réponses aux patients parce qu'ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, on essaye de bricoler quelque chose. Mais on sait très bien qu'on donnera pas une vision comme celle que tu voudrais expliquer. En fait, ça, voilà, dans beaucoup de pathologies, on a une cause, on a une étiologie. Mmh. On a, je sais pas, la cataracte, on sait très bien pourquoi. Hein, ou je ne sais quelle maladie cardiovasculaire, on sait très bien quelle est la cause. Quelle est la cause de l'allergie? Moi, je suis pas allergique. Je suis exposé aux mêmes allergènes que mon épouse qui est allergique. Nous vivons dans le même environnement. Si je prenais mon sérum, mes cellules, si on regardait tout ce qui est impliqué dans l'allergie, je ne pense pas qu'on pourrait trouver de différence majeure qui permettrait de dire, là, voilà, elle est allergique parce que, lui ne l'est pas parce que. Donc le vrai problème de l'allergie, le premier qui est un problème quand même absolument gigantesque, c'est que la cause de l'allergie ou la cause fondamentale, l'étiologie de l'allergie, on ne la connaît pas. Donc à partir de ce moment-là, on va tout de suite avoir un problème, c'est qu'on n'aura pas de traitement étiologique, on n'aura pas de traitement de la cause. Par contre, si vous me posez la question, comment est-ce qu'on a des symptômes allergiques ? Alors là, bien entendu, on sait beaucoup de choses. Énormément de choses ont été travaillées, comprises avec une très grande précision pour certains mécanismes qui expliquent les symptômes, qui expliquent comment est-ce qu'on est allergique et comment est-ce qu'on exprime cette allergie surtout. Mais je vais peut-être en plus rajouter, qui en même temps souligne cette dichotomie, que lorsque vous parliez tout à l'heure l'un et l'autre de la fréquence, 1 sur 2 des patients qui seront peut-être allergiques, déjà aujourd'hui, je pense, une fréquence bien plus élevée que la fréquence des allergiques sont déjà en situation d'être, on pourrait presque dire, pré-allergiques. Ils ont tout ce qu'il faut pour, mais simplement, ils ne le manifestent pas cliniquement. Donc, il y a encore là une barrière qui va faire que on a les causes initiales, on a ensuite l'expression clinique, et c'est encore un niveau, finalement, de seuil qui sera peut-être dépassé ou pas chez certains patients. Donc, on ne peut pas répondre à votre question de façon simple et monolithique. On va être obligé de rentrer dans des détails qui expliquent les mécanismes. Alors maintenant, les choses vont devenir relativement plus simples parce que une des caractéristiques des réactions allergiques, c'est que précisément, ce sont des mécanismes communs qui vont être capables de faire des choses aussi différentes qu'un choc anaphylactique, qu'une réaction asthmatique ou qu'une conjonctivite. Donc là, on a des mécanismes fondamentaux qui sont communs. Donc extrêmement intéressant. C'est qu'effectivement, nous on voit en consultation d'urgence que la partie immergée de l'iceberg. La personne, l'enfant qui va faire une réaction extrêmement forte à la cacahuète, eh bien, c'est ça qui va nous faire décrire en fait des mécanismes. Mais finalement, au bout d'un moment, on se dit, mais tout est allergique. On a le monde des patients qui sont intolérants. Donc ça, c'est une question d'actualité extrêmement forte. C'est-à-dire que sans faire des manifestations extrêmement sévères, le fait d'avoir au quotidien un peu mal au ventre, d'être d'un inconfort digestif, et que finalement, on se dit peut-être que c'est d'origine alimentaire. En variant un petit peu le régime alimentaire, on voit que ces symptômes disparaissent. Donc il se passe quelque chose sur le plan de vue immunologique, surtout quand on revient à un régime précédent, et ça fait la preuve en fait de réaction, on va dire, entre guillemets, allergique. Tout ça, c'est une question de mots, mais finalement, tout est allergique. Et au niveau de toutes les organes barrières, que ce soit les muqueuses, digestifs, aériennes et la peau. Et on va très loin parce que finalement, toute cette partie immergée de l'iceberg, on va devoir la prendre en charge parce que ça va améliorer l'état global. On sait que quand on améliore, enfin, quand on diminue cette réactivité immunologique qui est en fond, en bas bruit, qui nous dérange un petit peu tous les jours, qui nous fatigue, peut-être qui est un cofacteur pour la survenue d'autres pathologies inflammatoires, peut-être accélérer des lésions précancéreuses, etc. Donc on peut oser éventuellement dire que tout est allergique à un seuil, à une sévérité différente. Et on essaie de comprendre justement notre rapport au monde finalement, notre réactivité de base immunologique à tout ce qui nous entoure. Marc Dairon, peut-être un mot pour boucler cette première partie, justement sur cette mécanique des symptômes allergiques, parce que ça va être intéressant quand on va commencer à s'intéresser justement à la recherche de traitement. Qu'est-ce qui se passe dans un corps qui est en train de déclencher une réaction allergique, qu'elle soit cutanée, respiratoire, oculaire ou au pire un choc anaphylactique? Alors, les choses peuvent être dites extrêmement simplement. Une réaction allergique, c'est une réaction en 3 temps. Le premier temps, c'est un allergène qui déclenche une réponse immunitaire, qui stimule le système immunitaire. Alors là, en disant ça, j'ai dit énormément de choses qui masquent une extraordinaire ignorance, parce que déjà, quand j'ai dit un allergène, pourquoi vous n'avez pas dit un antigène, pourriez-vous me dire ? Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas dit un antigène, Marc? Eh bien, parce que la réponse, seule réponse que je pourrais vous faire, c'est qu'un allergène, c'est un antigène qui fait de l'allergie. Et donc, évidemment, ça n'est pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Un allergène, c'est ces substances qui vont déclencher les mécanismes responsables de ça. Alors, donc le premier temps, c'est l'allergène fait faire une réponse immunitaire au système immunitaire. D'ailleurs, le système immunitaire, il répond à énormément de choses qui nous entourent, pas seulement les microbes, mais effectivement beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on est allergique. Le deuxième temps, c'est que cette réponse immunitaire ayant été faite, il y a des tas de défecteurs. Les effecteurs, c'est les choses qui font, qui en réponse, qui, lorsque la réponse a été faite, vont aller induire d'autres choses, hein, le deuxième temps. Les effecteurs, ce sont des cellules et des molécules. Les molécules, ce sont pour beaucoup des anticorps. Et parmi ces anticorps, une classe d'anticorps particulière, donc on en reviendra peut-être, qui s'appelle les IgE. Et donc ces anticorps, qui vont être fabriqués donc, par la réponse immunitaire, vont aller... En présence de l'antigène, lors du deuxième compact, c'est ce fameux deuxième compact. En présence de l'allergène. Avec l'allergène, pardon. Oui, mais c'est, dans ma tête, c'est effectivement pas différent. C'est devenu. Le deuxième contact avec l'allergène, le premier ayant induit la réponse, le deuxième contact va déclencher la crise. Alors, la crise, comment elle va se faire? Eh bien, elle va induire l'activation de toute une série de cellules qui sont capables de sécréter ou de libérer toutes sortes de médiateurs inflammatoires. Ces cellules, il y en a des qui sont très connues, les mastocytes, les basophiles, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, les polynucléaires des différentes sortes, il y a les monocytes, beaucoup de cellules peuvent être impliquées. Ces cellules donc sont activées. Qui sont pour le moment totalement communs à une réponse immunitaire quelconque absolument, avec un antigène. Absolument. On est là on est vraiment sur on suit le chemin de l'immunologie classique, d'une réponse immunitaire. Rien n'est pathologique encore. Rien n'est pathologique. Donc ces cellules sont activées, elles libèrent des substances inflammatoires ou pro-inflammatoires. Ça, c'était le deuxième temps. Le troisième temps, ces substances diffusent autour des cellules qui les ont produites et elles vont aller atteindre d'autres cellules qui vont répondre à ces substances. Ces cellules, ça va dépendre de l'endroit où ça se passe. C'est là qu'on va avoir ces expressions cliniques variables. Si c'est des muscles lisses, eh bien, ça va contracter les muscles lisses dans les bronches, par exemple. Si c'est des cellules sécrétoires, par exemple, de mucus, eh bien, comme les cellules caliciformes dans les bronches, eh bien, ça va aller mettre de boucher les bronches avec des sécrétions. Et si on ajoute la contraction des bronches plus l'obturation des bronches avec des sécrétions, on comprend comment on peut avoir une crise d'asthme. C'est aussi d'autres choses qui vont activer d'autres types cellulaires. Au fond, les cellules font ce qu'elles savent faire à l'endroit où elles sont et les réponses biologiques de ces cellules, eh bien, c'est ça qui va faire l'expression clinique de la maladie. Et un dernier mot pour conclure cette partie-là, à quel moment on parle d'anaphylaxie ou de choc anaphylactique, c'est-à-dire que la réponse devient tellement importante qu'elle met la vie en péril? Alors la réponse anaphylactique, on peut la simplifier en disant, c'est lorsque toutes ces cellules dans l'organisme entier, d'un seul coup, sont activées, toutes les cellules du milieu, hein, celles qui produisent des médiateurs. Lorsque toutes ces cellules qui produisent des médiateurs, d'un seul coup, sont activées et vont libérer massivement, en particulier dans la circulation, des médiateurs comme l'histamine, comme beaucoup d'autres choses, qui vont engendrer le choc quand ils vont aller agir en périphérie sur les tissus. Alors comment est-ce que ça se passe? Ça se passe essentiellement quand l'allergène pénètre dans l'organisme par voie systémique, c'est-à-dire dans la circulation en particulier. Donc dès que ça rentre et que ça passe dans la circulation, ça va immédiatement diffuser dans la totalité du corps et dans le sang et par le torrent circulatoire, ça va atteindre la totalité de l'organisme en quelques instants. Enfin, c'est même pas une question de minutes, c'est des secondes. Et au bout de quelques secondes, donc toutes les cellules périphériques qui sont susceptibles de répondre à ces médiateurs peuvent s'activer à leur tour et être responsables de cette réaction inflammatoire massive et suraiguë qui est le choc anaphylactique. Le résultat, c'est en particulier des graves troubles neurologiques et c'est aussi un choc cardiovasculaire, une insuffisance respiratoire aiguë. Et bien entendu, si une réanimation n'est pas mise en œuvre dans les minutes qui suivent, le pronostic vital est engagé. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Wait a minute. Let me tell you. special feel good. Can you do it? Can you do it? Can you do it? Can you do it? It's so nice, got to do it twice. It's so nice, got to do it twice. Scratch de Rufus Thomas, puisque de gratter, de démanger, c'est ce dont il est question, entre autres au cours de 7 heures, puisque nous parlons des allergies dans la méthode scientifique, en compagnie de Marc Daéron, qui est immunologiste, directeur de recherche émérite au Centre d'immunologie de Marseille et chercheur invité à l'Institut Pasteur, et avec Nyan Famti, qui est allergologue, chef du service d'allergologie à l'Institut Pasteur. Alors, outre les allergènes naturels que nous avons beaucoup évoqués dans la première partie de cette émission, les médicaments sont une source importante d'allergies qui peuvent avoir d'ailleurs des conséquences désastreuses. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à Lyon pour rencontrer des chercheurs qui travaillent précisément sur les mécaniques immunologiques qui sont à la source des allergies médicamenteuses. Tout à fait. Et plus précisément, je suis allé au CIRI, le Centre International de Recherche en Infectiologie. C'est une unité mixte qui dépend de l'Université de Lyon, de l'INSERM et des hôpitaux de Lyon. Sur place, j'y ai rencontré Jean-François Nicolas, qui est médecin et responsable de l'équipe immunologie de l'allergie cutanée et vaccination, ainsi que Marc Vaucanson, chercheur en immunologie dans cette même équipe. Ils travaillent tous les deux sur les phénomènes d'hypersensibilité aux médicaments. Ils m'ont expliqué ce que l'on range traditionnellement dans cette famille de pathologies, et ils m'ont notamment parlé de leur projet SCARS, qui vise à mieux comprendre comment surviennent les allergies cutanées dues aux médicaments, et s'il est possible de s'en prémunir. La majorité des réactions d'hypersensibilité aux médicaments sont bénignes et ces réactions bénignes ne sont pas allergiques, c'est-à-dire qu'elles n'impliquent pas ce que nous appelons nous l'immunité adaptative, c'est-à-dire elles n'impliquent pas des anticorps ou des lymphocytes à l'origine de la réaction. À l'opposé, un petit pourcentage de ces réactions, 5%, sont allergiques et c'est dans ces réactions allergiques qui impliquent soit des anticorps, soit des lymphocytes que se trouvent les réactions les plus sévères et ce sont sur ces réactions d'allergie aux médicaments dû aux lymphocytes que nous travaillons dans le but de mieux comprendre leur survenue. Comment cette allergie se traduit-elle ? Elles vont s'exprimer principalement au niveau cutané par une rougeur diffuse qui va pouvoir s'associer à une destruction plus ou moins importante de l'épithélium que nous appelons épiderme. Et dans les cas les plus sévères, cet épiderme est totalement détruit. Le patient présente alors un aspect de grand brûlé. Il n'y a pas d'autre traitement que le traitement qu'on appelle de support, c'est-à-dire des pansements, des bandages. Mais ce que l'on a observé, c'est qu'en fait, que la pathologie soit bénigne ou que la pathologie soit sévère, c'est le même type de lymphocyte au départ qui est en jeu. Et tout ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un patient va développer une pathologie bénigne, entre guillemets, qui va le gêner quelques heures ou quelques jours, ou une pathologie sévère qui va pouvoir aboutir à des cicatrices et des séquelles. Que connaît-on aujourd'hui de ces mécanismes ? Un médicament, en fait, un produit chimique, et à l'instar de tout produit chimique, celui-ci doit être détoxifié de l'organisme pour être éliminé. Il arrive parfois que ce produit chimique, ce médicament, en fait, s'accumule à l'intérieur des cellules, et de ce fait, il va modifier des protéines qui sont exprimées par la cellule, et ainsi générer un néo-antigène qui conduira à l'activation du système immunitaire qui sera chargé d'éliminer toute cellule qui exprime ce néo-antigène. Et c'est ce qui va aboutir ensuite à la survenue des réponses inflammatoires caractéristiques de ces maladies. Le but du projet SCARS, donc, qui veut dire Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions, a pour objectif de mieux comprendre la physiopathologie des maladies allergiques médicamenteuses. Donc, nous explorons à travers d'expériences de recherche translationnelle les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont à l'origine de ces maladies pour pouvoir identifier des biomarqueurs de sévérité de ces maladies et de nouvelles cibles thérapeutiques pour pouvoir espérer guérir ces patients pour lesquels le pronostic vital peut être engagé. travailler sur ces pathologies nécessite vraiment de pouvoir avoir un centre de référence qui soit capable de fournir un ensemble d'échantillons qui nous permettent de faire des expériences dont les résultats seront pertinents. Donc c'est la raison pour laquelle le projet SCARS est un projet du centre de référence Ronald Pauvergne sur l'allergie aux médicaments. Du fait qu'il y ait relativement peu de patients qui soient atteints de ces maladies, la mise en place de nouvelles études cliniques qui permettront d'évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement pour prendre en charge ces patients reste relativement difficile à mettre en place. Heureusement, aujourd'hui, nous bénéficions d'une technologie qui est, je dirais, galopante et de plus en plus performante, et notamment, par exemple, pour analyser au sein d'un échantillon de peau de 4-5 mm maximum, nous allons pouvoir extraire les cellules qui sont présentes à l'intérieur et analyser de façon relativement très efficace grâce à l'apport de technologies telles que la cytométrie de masse qui permet aujourd'hui d'analyser de façon fantastique des très petits échantillons. Quelles sont les perspectives qu'offriront à plus ou moins long terme l'identification de ces biomarqueurs ? Que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue prédictif. Au niveau diagnostique déjà, quand un patient démarre sa réaction d'hypersensibilité aux médicaments, nous souhaitons avoir des biomarqueurs qui nous permettent de dire s'il va rester dans une forme bénigne ou s'il va pouvoir évoluer vers une forme sévère. Ça, c'est extrêmement important pour conditionner le type de prise en charge. Ensuite, ce sont des biomarqueurs pronostiques que nous souhaitons développer. Un patient qui développe une réaction sévère, quelle chance a-t-il d'avoir des cicatrices ? Quel type de séquelles va-t-il pouvoir éventuellement développer ? Comment va-t-il évoluer dans les semaines et les mois qui suivent la mise en place de la maladie ? Un des principaux résultats que nous avons obtenus dans notre projet SCARS a été de mettre en évidence que la quantité et la qualité des lymphocytes T cytotoxiques qui sont recrutés dans la peau conditionnent la sévérité de la maladie. Nous avons été également capables de mettre en évidence qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de lymphocytes T qui est présent dans le sang des patients au moment où ils arrivent en clinique le premier jour et la sévérité finale de cette maladie. Nous avons également identifié à la surface des cellules qui sont responsables de la maladie certains marqueurs qu'on souhaite cibler grâce à des anticorps qui sont spécifiques de ces récepteurs et qui permettront de les éliminer de l'organisme des patients. Et ainsi, nous espérons pouvoir enrayer le développement de la maladie et prévenir la sévérité, l'extrême sévérité de ces maladies chez ces patients. Voilà le reportage du jour sur cette recherche concernant des allergies médicamenteuses. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre ? C'est une réaction, enfin c'est une recherche extrêmement, extrêmement importante. Vous voyez comme c'est complexe, on est à rechercher des facteurs qui font que la réaction va flamber, surtout dans le domaine du médicament qui est un domaine très complexe. C'est une spécialité à part entière au sein de l'allergologie. Et j'en profite pour dire qu'il faut absolument faire des progrès à ce niveau-là. Il n'y a pas autour de nous une personne qui connaît quelqu'un qui serait, entre guillemets, allergique à la pénicilline. Donc c'est souvent un diagnostic que l'on pose à tort et qui concernerait véritablement, quand on rétablit la vérité, que 5 à 10% de toutes ces personnes-là. Et c'est, je citerai un de mes maîtres, que c'est criminel de laisser un faux diagnostic tout au long de sa vie pour ne pas recevoir cet antibiotique si on en a véritablement besoin. Donc rectifier un diagnostic dans ce domaine d'allergie médicamenteuse est extrêmement important. Marc Dayron. Une petite remarque qui est pour répondre encore à nouveau à la question que vous avez posée. C'est intéressant parce que ce qu'a raconté Jean-François Nicolas, les médicaments, c'est peut-être justement entre l'allergène et l'antigène. C'est-à-dire que l'allergène, on va le définir comme quelque chose de, le mot naturel, j'aime pas trop, mais qui est là autour de nous, avec lequel on vit, qu'il soit naturel ou artificiel, peu importe. Mais qu'on ne va pas introduire dans l'organisme, simplement ça fait partie de l'environnement, c'est partie de la vie. Les antigènes, nous dans le laboratoire, on injecte ça à des souris, à des animaux de laboratoire, dans des conditions qui sont d'ailleurs souvent pas très très physiologiques. Eh bien, quand on prend un médicament, que ce soit par voie intraveineuse, par voie orale, par voie cutanée, eh bien on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va exposer l'organisme à quelque chose auquel normalement on n'est pas exposé. Donc le médicament prend cette espèce de place finalement entre l'allergène et l'antigène, si je peux dire. Un mot, est-ce que, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'augmentation vraiment exponentielle du nombre de cas d'allergie et de personnes allergiques depuis les années 60, c'est vrai au même titre pour les médicaments que pour les autres types d'allergies, Nian Famti? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur un mécanisme génétique monogénique. On a trouvé des gènes qui favorisaient par exemple une fragilité au niveau des voies respiratoires et au niveau des bronches sous une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'inflammation, on a trouvé des gènes de fragilité au niveau de la peau qui va donner un peu plus d'eczéma, etc. On a des quelques traits épars à droite à gauche, mais globalement, pour expliquer une fois de plus aux familles et aux patients le pourquoi de ces allergies. On a découvert, il y a maintenant une dizaine d'années, on peut le dire, un facteur extrêmement important que j'appelle maintenant sous forme de porosité. C'est-à-dire que on a constaté qu'il y avait une porosité au niveau de la peau, des voies respiratoires, au niveau des muqueuses qui a augmenté. C'est-à-dire que votre barrière, prenons la peau, cutanée, eh bien, ne jouerait plus son rôle. L'accession, en fait, de l'antigène, du potentiel allergène au système immunitaire au travers de la peau est actuellement beaucoup plus facile chez les individus. C'est-à-dire que, on a compris ça parce que il y a beaucoup de modèles et d'exemples d'allergies alimentaires chez les enfants qui sont expliqués par cette première phase de sensibilisation dont a parlé Marc tout à l'heure, qui se fait au travers de la peau. Un grand nombre d'enfants allergiques, par exemple à l'œuf ou à la cacahuète, ont été exposés pendant leur enfance. Prenons l'exemple de la cacahuète, et notamment en Angleterre, là où a été faite cette découverte. Les parents mangent du beurre de cacahuète, l'enfant n'en mange pas, il est dans les bras, et il est exposé de manière environnementale à cette pâte de cacahuète. Ces protéines d'arachide vont pénétrer au niveau de la peau, et vont être reconnues de manière anormale par le système immunitaire, qui est, au niveau de la peau, un système défensif, et non pas tolérogène. Mmh. Et à ce moment-là, il va développer tranquillement sa petite réaction allergique. Jusqu'au jour où on lui donne de la cacahuète ou de la pâte d'arachide par la bouche, et là, la réaction va exploser, et comme l'a dit Marc tout à l'heure, parfois jusqu'à un niveau dramatique. Donc, on a mis en évidence, à ce moment-là, cette histoire de porosité que vous avez au niveau de la peau. Et donc, une des raisons pour laquelle on a cette épidémie, c'est que notre peau ne joue plus son rôle, en fait. Et on expliquerait ça par l'agression au quotidien, par les savons. Pourquoi utilisons autant de savons? Pourquoi on se lave autant? Etc. Et donc c'est des cofacteurs qui montrent que on a une peau qui est plus la même que celle d'il y a des décennies. C'est intéressant ce que vous soulevez, parce que c'est effectivement l'une des hypothèses. L'explosion, l'augmentation du nombre d'allergies pourrait être directement liée à bien trop d'hygiène, un excès d'hygiène, Marc Dairon. Alors l'hypothèse de l'hygiène, effectivement. L'hypothèse de l'hygiène, je crois que c'est vraiment intéressant parce que là encore. C'est un exemple d'une bonne idée qui va se révéler pas tout à fait exacte et qui va amener à trouver des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes. D'où elle vient, cette hypothèse de l'hygiène? Elle vient essentiellement d'un travail qui a été fait en 1989 par un monsieur qui s'appelle Trashan et qui a fait une étude épidémiologique extraordinairement bien faite sur le plan épidémiologique. Pourquoi je dis extraordinairement bien faite, extraordinairement solide? Il a étudié 17 400 et des poussières, 470 je crois, donc presque 17 500 enfants qui sont nés la même semaine de la même année, en mars 1958. Et il a étudié ces gens-là pendant 23 ans, jusqu'à ce qu'ils aient 23 ans. Donc il a eu une quantité de données épidémiologiques absolument extraordinaire. Et il s'intéressait essentiellement au rhume des foins, et il s'est dit, qu'est-ce qui peut être corrélé avec l'expression de la maladie? Et il a trouvé deux choses. Il a trouvé principalement la taille des familles, la taille des fratries, et la place dans la fratrie. Et il a trouvé qu'en fait c'était inversement corrélé à la taille de la fratrie. Plus on avait de frères et sœurs, moins on était allergique, Et plus on avait de grands frères et grands sœurs, moins on était allergique. Ça, c'est formidable. Et je trouve que sur le plan épidémiologique, c'est remarquablement bien fait, encore une fois. Et puis alors là, je trouve ça formidable aussi, ce qui montre la faiblesse de ce genre, ou plus exactement la fragilité de ce genre d'homme, ou surtout la précaution avec laquelle il faut traiter cette chose-là, qui encore une fois est indéniable, incroyablement solide. Ce que va dire Strachan, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là. Premièrement, l'hygiène a beaucoup augmenté. L'hygiène des gens, l'hygiène de vie, l'hygiène de tas de choses, et il s'est dit, au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de petits frères et sœurs et quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, c'est qu'il est exposé à toutes les rhinopharyngites qui traînent et qui vont ramasser de la crèche ou d'ailleurs, et ils vont se trouver exposés à énormément de microbes pathogènes. Et c'est une forme d'immunité très classique, c'est-à-dire que effectivement, plus on est en collectivité, plus on reçoit des petits bouts de pathogènes, plus vite on est immunisé, moins on est malade. Oui, mais moins on est allergique, c'est pas évident. Mmh. C'est tellement pas évident qu'en fait, probablement, ça tient pas vraiment la route, cette idée-là. C'est cette hypothèse de l'hygiène telle qu'elle est présentée qui a abouti effectivement très vite à cette notion. On est trop propre. Est-ce qu'on est vraiment trop propre? D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui collent pas tout à fait avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait tout à l'heure des gradients des pays, des différents pays. Mais il y a des pays d'Amérique latine qui ne sont pas réputés pour avoir une propreté extraordinaire dans lesquels il y a moins d'allergies ou de certaines formes d'allergies que dans d'autres pays nordiques, par exemple, qui le sont bien davantage. Donc ça colle pas tout à fait. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres choses qui montrent qu'il n'y a pas que les allergies. Il y a les maladies auto-immunes, par exemple, qui suivent exactement la même évolution et qui ont la même distribution dans les pays que l'allergie. Or pourtant, la compréhension, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la compréhension qu'on a du système immunitaire et de la réponse immunitaire, c'était que les allergies les maladies auto-immunes, c'était vraiment deux types de réactions opposées, différentes, voire opposées, voire antagonistes. Et puis, le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait que les gens qui se lavent tous les jours, les gens... Pourquoi? Parce que finalement, quand on s'est lavé la peau, le microbiote, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ouais, il revient extrêmement rapidement. Mmh. Et que... Bon, peut-être on peut altérer la peau, comme l'a fait remarquer Nian, ça c'est une chose. Mais l'hygiène en tant que telle, elle n'est probablement pas au premier plan. Ça c'était la première partie, la première époque, je dirais, de l'hypothèse de l'hygiène. Et ce que je trouve intéressant, c'est que après s'être intéressé à ces microbes hors de nous, eh bien, on est commencé à s'intéresser aux microbes en nous, c'est-à-dire effectivement au microbiote, on a déjà parlé. Alors pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce que on s'est rendu compte que, clairement, l'augmentation de fréquence des allergies était liée à des variations, à des modifications du type de vie. Il y a eu, on n'a pas le temps, je pense, de le discuter, de le détailler, l'histoire des deux Allemagnes et de la réunification de l'Allemagne, qui est absolument extraordinairement intéressant et qui montre que les allergies peuvent évoluer de façon extrêmement rapide, à une vitesse bien supérieure que ce que ne pourraient faire, par exemple, des gènes, des modifications génétiques. C'est-à-dire que, concrètement, après la chute du mur, les allergies ont explosé en Allemagne de l'Est, qui avait moins d'allergies en termes d'épidémiologie que l'Allemagne de l'Ouest. Et très vite, elles ont atteint le niveau. Une autre chose qui va tout à fait dans ce sens, ça a été un travail très remarquable qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Erika von Mucius dans les années 2000, au tout début des années 2000. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée étudier en Suisse des fermes dans lesquelles les gens vivaient de façon différente. Alors, à cette époque encore, probablement il y en a moins maintenant, il y avait deux sortes de fermes en Suisse. Les fermes dans lesquelles les hommes et les animaux vivaient dans les mêmes bâtiments et les fermes dans lesquelles les animaux et les hommes étaient séparés. Et ce qu'a fait Erika, c'est d'étudier le devenir, les allergiques chez les adultes, des enfants qui avaient grandi dans ces deux types de fermes et qui avaient consommé du lait cru, ou pas, pendant la première année de vie. Et ce qu'elle a trouvé, c'est qu'il y a une extraordinaire corrélation, là encore, entre le fait d'avoir été exposé à cet environnement fermier, on va dire, et avoir consommé du lait cru, et le fait d'être protégé contre l'allergie. Si bien que, à la sortie de tout cela, on a compris, en fait, que il y avait... C'était pas seulement les microbes, les méchants, etc. C'était qu'en fait, ce qu'a montré Erika von Mucius, c'est que tout se jouait pendant la première année de vie. Et là, c'est ce qui a permis de comprendre qu'effectivement, pendant la première année de la vie, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui se fait. C'est la constitution du microbiote. Et le microbiote, c'est quoi? Eh bien, c'est les 10 à 50 fois plus de bactéries et de microbes, pas de microbes d'ailleurs, de bactéries. Si on parlait des virus, ça serait encore bien pire. Donc les 10 à 50 fois plus de bactéries que nous hébergeons, avec lesquelles nous vivons, en fort bonne intelligence, Et symbiose, nous en avons parlé longuement au cours de cette étude. On arrive, je vous interromps Marc Dayron, parce que j'aimerais tout de même qu'on dise un mot avec vous, peut-être Niam Fanti, sur aussi l'autre facteur d'aggravation des allergies qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est celui de la pollution atmosphérique. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre les allergies respiratoires et la pollution? Tout le monde a l'air de le constater quand on vit en environnement urbain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est scientifiquement établi? Oui, c'est scientifiquement établi. Les organes de l'OMS l'ont prouvé. Donc ça a été bien. Les études montrent bien qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il y a une augmentation des maladies respiratoires et notamment allergiques avec la présence des pollutions. Et maintenant, on sait bien dans la pollution les différents composés qui posent plus ou moins problème. Donc ça, c'est vraiment établi. Est-ce que la pollution atmosphérique joue dans la réactivité allergique en elle-même? On a des éléments pour le montrer. Mais je dirais que pour aller plus loin, ce sont les pollutions dont on devrait parler. On parle des pics de pollution, mais c'est la pollution à bas bruit pendant toute l'année qui va venir jouer. Et puis c'est la pollution chimique aussi. Et ça, on a de plus en plus d'études qui montrent que l'exposition à un cocktail de produits chimiques, notamment en intérieur, des détergents, les canapés, les matières plastiques, toutes ces petites particules qu'on côtoie au jour le jour chez nous. Voilà, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. Mais il y a bien plus de produits que ça. Et on a malheureusement que des études éparses et avec des modèles murins, c'est-à-dire que pour un produit donné, on va montrer que tel effet. Mais la difficulté, c'est le mélange de tout ça. Et les effets cocktails qui sont si mal renseignés et si mal documentés. Et chez les enfants, les organes qui sont beaucoup plus sensibles. Et donc, on sait qu'on a fait des corrélations, par exemple, avec des études de dosage dans les classes et de survenue d'allergie, de rhinite, et bien qu'il y a une corrélation vraiment forte entre la présence de ces polluants d'intérieur et la survenue de ces maladies. Marc Dayron, pour conclure, un mot peut-être sur ce que l'on sait des perturbateurs endocriniens également. Est-ce qu'il y a des liens qui ont été faits ou pas du tout? Ça, j'en sais rien. Yann sera certainement mieux que moi. Mais je voudrais peut-être préciser quelque chose à la suite de ce que vient de dire Yann et de ce que j'avais dit auparavant. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a deux temps dans cette histoire-là. Il y a les premières semaines, les premiers mois de la vie qui sont absolument déterminants. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le microbiote se constitue. D'abord, le microbiote s'acquiert. Et comment s'acquiert le microbiote? Il s'acquiert en naissant. En naissant par les voies naturelles. Et c'est là qu'on acquiert les microbes qui vont faire qu'on va avoir un ensemencement de notre tube digestif avec des microbes qui vont constituer le début de la flore. Et ça, on en a longuement parlé. On va vous mettre les liens sur le fil Twitter de l'émission sur le microbiote et la constitution. Donc ça, il y a tout ce premier temps où on construit le microbiote. Et puis, il y a le deuxième temps. Si le microbiote s'est bien construit, on est relativement tolérant à beaucoup de ces choses, la pollution et tout le reste. Si le microbiote s'est mal fait, s'il est fragile, s'il a été déglingué par un traitement antibiotique intempestif chez un petit, eh bien, les facteurs dont a parlé Niane, la pollution intérieure, extérieure, etc., vont intervenir et vont jouer. Donc faites attention si vous venez d'avoir un enfant, et figurez-vous que je viens d'accueillir un nouveau né dans ma petite famille, donc j'espère que pas moi personnellement, mais bref, quelqu'un à qui je pense bien fort aujourd'hui. Merci tous les deux en tout cas d'être venus, Marc Dayron, Niam Fanti, d'être venus nous parler des allergies. On voit que on a encore beaucoup d'espace pour refaire une émission à ce sujet, et c'était en tout cas passionnant. Vous pouvez la retrouver comme chaque jour sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Eve Etienne, Sarah Higemans, Antoine Beauchamp, Nominé Guette-Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro, Élise Le à la technique. Un mot pour vous dire que tout de suite, c'est une nouvelle série, comme tous les lundis, de la série documentaire LSD, comédien, le plus beau métier du monde, avec un point d'interrogation, puisque c'est dans quelques heures le début du Festival de Cannes. C'est une série de Julien Thève et d'Angélique Thibault. Tout à l'heure, du grain à moudre, Macron, une politique culturelle entre parenthèses. Ce sera la question d'Hervé Gardette à ses invités à 18h20. Et pour ce qui nous concerne demain, nous parlerons de cet objet astrophysique encore théorique qui suscite tous les fantasmes, le trou de ver ou les couloirs express de l'espace-temps. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.